Charline. Non, mais elle te répondra pas. Eh bah, c'est poli. Mais non, elle est sous le casque. Ah, oui. Pardon. Écoute quoi? Bah, le disque de l'invité. Ah, bon. Tu l'as écouté, toi? Bien sûr que je. Mais je bosse les émissions, mon vieux, comme ça se verrait pas. Excuse-moi, passe-moi le disque. Moi, j'ai pas encore écouté. Et t'as aimé? Bon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La chanson 14, c'est un bijou. La 14, tu dis? Oui, les autres sont bien, mais pour moi, la 14, c'est bon. Attends, parce qu'il y a que 11 pistes sur le disque. Pas de peau. C'est qui l'invité? Indizara. Eh ben voilà, Charline, c'est bien. Plus fort. Charline, c'est bien. Encore plus fort, elle n'entend pas. Attends. Charline, t'as les sujets? Hein? Voilà. Oui, oui, oui, j'ai les sujets. Ah, d'accord. Ouais, excusez-moi, enfin, j'écoute la musique de l'invité. Oui, ça va, on a compris. Est-ce que c'est bien? Ah, oui, c'est vachement bien. Ah, d'ailleurs, j'y retourne. Hein, ça va être calme ce matin, moi, toute seule. Quelqu'un veut un café? Ouais, je veux bien, ouais. Expresso sucré. 2, 3. Ok. Charline? Charline, un café? Enlève la prise, parce que. Charline! Non! Trop de gens qui t'aiment. Attends, mais c'est quoi? Mais ça, non. C'est ça, Indizara? Non. Ça, c'est Hélène Segarra. C'est Indienne Indigara. Voilà. C'est pas la même. C'est ça. Oui, bah, voilà, je voulais m'isoler, alors j'ai pris une musique au hasard. Je suis tombée là-dessus. C'est ça. Ah, voilà, j'ai compris. Bah, j'y vais. C'est 4 expressos sucrés. Voilà. C'est ça. Bonjour, la France Inter, où il y a trop de gens qui t'aiment et que tu ne vois pas. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité à la disqueuse. Et voici les 3 informations qui vont terminer en disque et en rondelle jusqu'à 18h. Toute la presse tombe sur Manuel Valls et son mini-trip à Berlin en Falcon de la République. Aujourd'hui, le moindre écart est sanctionné en une des journaux quand il est toutefois impossible de rester discret. Un jet privé ? Je suis tout excité. Jennifer Lopez a un petit peu trop agité sa croupe lors d'un festival de musique à Rabat. Le ministre de la Communication au Maroc a condamné l'agissement de la chanteuse. Il s'en est toujours pas remis. Dieu de bordel de merde. Quelques écoles renoncent à la fête de fin d'année à cause du plan Vigipirate. Trop compliqué pendant les kermesses de fouiller les sacs de tous les parents. Déjà que pour une kermesse, il y a pas mal de trucs à préparer. J'ai une bonne nouvelle. Madame Nonectin prend un stand. Elle fera pâtisserie fruits rouges avec ses deux filles et sa belle-sœur. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du boulanger de France Inter, celui qui roule l'actu dans la farine, Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, et je voudrais dire aux auditeurs que notre invité a failli faire un AVC en vous entendant chanter du Hélène Segarra. Autour de la table à 17h20, notre druide musical. Il est capable, avec des mots et des notes qu'il touille dans son grand chaudron, de nous sortir une potion magique qu'on va même avaler sans tout comprendre. C'est André Manoukian. Bonjour Alex, comment bonjour Charline. Aujourd'hui, événement L'Esprit Inter. Ah. Deuxième compilation de cette programmation fantastique qui vous fait râler de temps en temps, mais que les vrais mélomanes apprécient. À 17h30, alors, vu l'énergie qu'il avait au bureau aujourd'hui pour contredire absolument tous les autres et sur tous les sujets, je n'ose c'est pas faux, imaginer exactement comment il a traité ses intervenants du jour. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Eh ben, je me suis rendu ce matin à une conférence d'éleveurs de ruminants, figurez-vous. Des gens qui aiment les animaux, pour faire quoi au final? Pour les accompagner dignement à l'abattoir. Voilà, pour qu'ils se vident de leur sang, mais en toute dignité, c'est important. Et à 17h40, un halo de lumière va envahir la grisaille de cette émission, car elle entrera. Celle qui tentera d'allumer au chalumeau la bougie de notre inculture. Elle, c'est Clara Dupont-Moreau. Bonjour. Bonjour Alex. Pas mal aujourd'hui. C'était pas mal aujourd'hui. Ouais, pas mal. Alors, 10 juin 1949, eh bien, parution de 1984 de George Orwell, la littérature fête un anniversaire. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Hassan II, roi du Maroc. Vous sortez votre premier album Handmade en 2010. Ce qui sauve cette année-là, une année sombre musicalement, puisque Noir Désir se sépare et Zaz sort son premier album. Vous recevez une victoire de la musique en 2011, quand Britney Spears fait son retour, alors qu'on lui avait rien demandé, hein, faut l'avouer. Vous tournez dans 2 films en 2014, c'est l'année la plus chaude depuis la création du relevé de température. Et de votre douce voix, vous allez nous dire qui vous êtes. Indizara. Bienvenue, welcome. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bienvenue, welcome, bienvenido, parce que vous parlez toutes les langues. Et en berbère, on dit comment? Bienvenue. Menzekmin. Voilà. Donc c'est bien Indy Zara qui est avec nous. Je voulais juste vérifier. C'est pas Hélène Segarra. Non. Indy Zara, dont votre album Homeland est paru en avril dernier, donc il est tout frais. Alors, contrairement à ce qui a été dit dans la conférence de rédaction. Depuis ce matin, je me le passe en boucle en faisant l'émission, donc ce sera une excellente émission parce que votre album est fantastique. André Manoukian m'a dit, je la connais, c'est plutôt dans le style mystique soufi, mais tout en étant pop bap tendance jazz. Je pensais avoir compris en écoutant votre album, et là il m'a tout embrouillé. Indy Zara, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition de mystique soufi mais pop bap tendance jazz? Alors, tous ces mots, je les reconnais. Je pense qu'il a raison. C'est une longue phrase. Mais il y a, oui. Il y a un peu de tout ça. C'est bien vu, oui. Les mots, on les reconnaît toujours quand on les parle. Ça, c'est pas le problème. C'est juste qu'ils vont pas les uns avec les autres, souvent. Alors, sauf que le problème, c'est que ces mots, justement, dans la bouche d'Indy, créent une fusion. Qu'est-ce que c'est une fusion? C'est un esprit, c'est quelque chose qui est réussi, quoi. C'est-à-dire qu'on n'entend pas des ingrédients ici et là qui mélange. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'avec sa voix et la magie qui est là, parce qu'elle a une manière de prendre les choses par en dessous, elle nous fait pas comme l'autre avec qui vous l'avez confondu, Charline, hein, tout à l'heure dans votre l'autre, petite elle a un nom, présentation. Elle s'appelle oui, voilà. Salut, on elle nous, elle nous, elle est sous-estimée. Voilà, elle nous agresse pas quand elle ouvre la bouche, on lui voit jusqu'à son vagin. Indy, elle est beaucoup plus. C'est une qualité aussi. Hein, c'est, André. Si vous voulez, mais Indy, elle est dans l'envoûtement, elle est dans le charme et en même temps dans un mouvement. Quand elle chante, elle est magnifique parce qu'elle se. Oui, elle alors notre invité, pardon. C'est Indy Zara. Oui, donc, si c'était André Manoukian, on vous aurait prévenu. Voilà. André, vous qui connaissez par cœur Indy Zara, oui. Qu'est-ce que vous avez encore envie de lui demander et de chercher en elle? Vous l'avez à vos côtés. Bah, j'ai juste envie de m'imprégner d'elle parce qu'elle dégage quelque chose. Et quand elle chante, c'est pareil. J'ai envie de lui demander si elle se sent plus chanteuse ou magicienne. Moi, elle me fait plus penser à Circé. Elle organise son travail. Oui, alors comme donc, ça, Indy Zara, vous êtes plus chanteuse ou magicienne? Quel poète! On a envie d'entendre votre voix, Indy Zara. C'est ça, voilà, pardon. ça m'arrange bien en fait, parce que j'aime pas parler de moi, ça m'arrange bien. Je suis une chanteuse et la musique m'a amenée à une. Je pense que la raison, il y a une magie dans la musique, ouais. Et mais vous ne coupez pas des femmes en deux, vous ne faites pas apparaître des choses, quoi. Je veux dire, vous êtes bien chanteuse, on est d'accord avec ça. Alors, vous êtes une grande travailleuse parce que donc votre album Homeland, vous êtes rentrée au Maroc pour l'écrire. Oui. Et alors, vous levez très très tôt, vous êtes très organisée. J'ai lu que vous commenciez de 4h à 8h du matin, par exemple, pour les textes, ensuite la musique, vous revoyez les guitaristes l'après-midi, etc. Mm-hmm. Donc, vous arrivez à créer dans une forme d'organisation militaire, ce qui fait peut-être un peu partie, votre papa. De mon éducation. Ouais, voilà. Non, c'est que j'en avais marre de me coucher à 6h du matin et à 7h du matin parce que j'avais passé mon temps à l'écriture. Je préférais encore travailler la nuit, mais de retourner les choses pour que je puisse avoir moins de rides avec le temps. Parce que ne pas dormir, c'est pas bon. Donc ouais. Pour moi, c'était me lever à 3h30 et commencer l'écriture de 4h à 8h. Et là, j'ai une belle journée, j'ai une longue journée où je peux faire la peinture et où je peux travailler les guitares dans l'après-midi. Est-ce que vous faites des formations? Parce qu'Alex Vizorek, on aurait vraiment besoin pour tout ce qui est organisation de travail. Non, mais, donc, vous levez à 3h30 du matin, ouais. Ça signifie que vous avez fait une bonne nuit de sommeil. Oui, je me couche en général à 9h30, 10h. 10h, ouais. Et ça, c'est possible parce que vous êtes au Maroc, dans cet environnement, à Essaouira. J'ai choisi d'habiter dans un riad, en fait, parce que donc il y a pas de fenêtre sur l'extérieur, sur la rue, mais il y a l'ouverture vers le ciel. Donc on a une intimité, mais en même temps un contact toujours avec l'extérieur. On n'est pas coupé. Alors, on a parlé de sommeil, on a laissé parler André Manoukian. Peut-être le mieux, c'est de vous écouter. Ça, c'est beaucoup mieux. Eh ça, oui. Ça, c'est sûr. Un jour, c'est la chanson en français de votre album Homeland, une sorte d'hommage à Françoise Hardy. Vous nous en toucherez un mot juste après ce morceau qui s'appelle Un jour. Et on vous conseille le magnifique album Homeland d'Indy Zara. Un amour doux, viendra un jour. Et cette petite nonchalance inspirée de Françoise Hardy, c'est exact, Indizara ? Disons que quand j'étais à Marrakech, ça me manquait d'avoir le français aussi. Donc j'avais beaucoup la radio. Et puis je me suis remise à réécouter Françoise Hardy, les premiers albums, et à redécouvrir vraiment une belle écriture, quelque chose qui me rappelait aussi, le fado, qui me rappelle une certaine tristesse en commun. Et du coup, ça m'a inspirée et encouragée à écrire en français. Un jour, c'est le titre qu'on vient d'écouter d'Indizara, qui est notre invitée jusqu'à 18h sur France Inter. Et autour de la table, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice et l'auteur de cette phrase « Quand elle ouvre la bouche, on voit son vagin », c'est André Manoukian. Et avant cela, une revue de presse à deux voix, deux mains et surtout comme des pieds. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Et on commence par une décision de l'Assemblée. Les députés ont voté la suppression du livret de circulation des gens du voyage. Oui, une décision qui permet de faciliter l'itinérance. En avion, de Manuel Valls et François Hollande cette semaine. Transport toujours, cette information sur le site du Point avec ce titre, Salon du Bourget, l'aéronautique, un secteur en pleine forme. Tu m'étonnes avec tous les Rafales qu'ils ont vendus. Non, mais maintenant qu'ils ont mis le paquet, ils doivent le mettre aussi sur les Falcons. Oui, en tout cas en ce moment ils ont deux VRP qui les font bien tourner les Falcons et qui vont les montrer au monde entier. Ça vous perturbe ces voyages de président et de premier ministre? Pas du tout, je suis ravie pour eux. Je pense même qu'ils doivent se dire à chaque fois qu'ils montent dedans, qu'importe le Falcon, pourvu qu'on ait livré. Voilà. Elle est de moi. Toujours sur le site du Point, à propos du président de l'Assemblée qui défend Manuel Valls avec ce titre, Claude Bartolone vole au secours de Manuel Valls. Non mais ça suffit, je vous vois arriver maintenant. Ah bah non, là pas de vanne. Donc pas de vanne, vous voyez. Non. Et sur le site du Figaro.fr, Stéphane Le Foll déclare, on ne va pas à Berlin en trottinette. Eh bah toujours pas de vanne. On est tous en train de se faire piquer le boulot par le gouvernement et la presse. Exactement. Michel Platini en tout cas confirme la version de Manuel Valls. Ah bah là d'accord, la parole d'un dirigeant d'une instance internationale de football, ça c'est sûr, c'est transparent. Hein. On avait dit pas de vanne. Voilà. Et on termine par une info média. Oui, dans l'Express, Delphine Ernot consulte tous les producteurs de France Télévisions pour préparer les prochaines grilles. Et l'Express dit que c'est une PDG qui a pour première caractéristique de ne pas maquiller ses propos en l'enrubanant de formules toutes faites, carrées, l'impétrante décoiffe et assène. Et elle aurait eu un échange tendu avec Julien Lepers. Elle lui aurait dit, c'est dans l'Express, ouvrez les guillemets, je n'aime pas ce que vous êtes et je déteste ce que vous faites. Ah bah dis donc, c'est chaud là. C'est chaud, ouais. Mais Julien a démenti tout de suite ce matin, il est furieux. Mais alors, qui dit vrai? Je sais pas. Moi, j'ai laissé traîner mon micro dans le bureau de Delphine Ernotte et voilà ce qu'a répondu Julien quand elle lui a demandé. Dites Julien, votre émission, elle est nulle. Oui, ah oui. Oh là là là là. Et puis elle a dit, et vous Julien, seriez pas un peu ringard? Oui, ah oui. Oh là là là là. Voilà, on attend la suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Indizara, qui se dit, où est-ce que j'ai mis les pieds? Non, pas du tout, au contraire. J'étais bien dans mon riad. Avec le ciel au-dessus. Oui. Premier sujet avec vous, Indizara. Il est dès l'heure, il a fait une connerie comme les autres. Toute la presse et l'opposition, et la presse d'opposition, tombent sur Manuel Valls pour son escapade en Falcon de la République. Un voyage qui aurait coûté entre 14 000 et 20 000 euros. C'est pas très bien. En tout cas, entre les voyages en avion de Valls et de Hollande, on a affaire à des voyageurs, voire à des aventuriers. Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. C'est écrit pour eux. Je les verrais bien en dessin animé. Le dessin animé Manuel et François prennent l'avion. Johnny Hallyday, une influence pour vous aussi, Indizara, Johnny Hallyday? Elle ne parlait pas de l'alcool, hein, c'était musical. Alors, Je sais pas s'il en est au vin. Je crois pas. Non, il est trois stades au-dessus, Johnny. Alors, il y a comme une première entorse à un profil très rigoureux. Donc, c'est vrai que Manuel Valls, c'est la rigueur, c'est le, hein, il vante son travail, sa ligne droite devant, etc. Et la première entorse, donc, personne ne le rate. Est-ce que vous dites, tiens, en France, on a quand même de la chance de pouvoir tomber à bras raccourcis sur un écart de conduite? Un Premier ministre qui prend l'avion pour aller voir un match de foot à Berlin. Est-ce que ailleurs, ce sont des choses qui sont tues et puis nous, on regarde chaque faux pas de très près? Les Norvégiens font pire. Ah oui ? Ah bah oui, un ministre qui achète un tapis, il se fait contrôler à la douane et il doit déclarer ça. Ils ont fait beaucoup de choses. Enfin, dans les pays du Nord, on voit les ministres démissionner dès qu'il y a une erreur comme ça. Oui. Aussi... Alors c'est vrai que cette influence du Nord peut être bénéfique chez nous alors. Oui, c'est un pays latin, je vois ça très bien. Je pense que c'est les joies du pouvoir, c'est quand ils arrivent à ça, quand c'était, vous disiez, c'est quoi leur ambition, leur rêve, leur fantasme? Leur idéal. Leur idéal. Leur idéal. Et alors est-ce que c'est peut-être ça en fait, l'idéal? C'est vrai, c'est ça. Ce parfum monarchique... Falcon. Est-ce que... Oui, c'est ça. En même temps que le roi du Maroc prend un avion, il y a... pas grand monde dans la presse pour dire que c'est pas bien. C'est pareil, de toute manière, c'est les joies du pouvoir. Après, un président et un premier ministre et les déplacements pour aller voir un match de foot, je sais pas si c'est le cas du roi, mais pour un premier ministre, pour faire un voyage privé, je pense que si ça arrive au Maroc, un magazine comme Tel Quel, ou enfin, ouais. ils en parlent. Ils en parlent, hein, ils en parlent bien mais sûr. Mais le roi n'est pas élu, sûr. Contrairement à Manuel Valls, qui a oui, été, oui, en tout cas, élu avec, à la primaire, PS 5%, rappelons-le. Oui, en sachant qu'il représente les socialistes et tout le message, ouais. Et tout le, enfin, toute la... Fin, et oui, c'est, là, tout c'est bien là le problème. Quand lui on donne et Platini disent que c'est pas privé, parce que, voilà, non, c'est nous, oui, qui jugeons. Oui, oui. Oh, bah, nous, on ne juge pas. Hein. Non. Oh là là, malheureux, ne vous avancez pas. On propose un jugement, c'est différent. Voilà, et en effet, pour rejoindre Indizara, l'édito de Libé, titre faute, et rappelle notamment que les ministres occupent des logements de fonction qui sont des appartements hérités de l'ancien régime, et ce tout parfum monarchique qui plane sur la France. Et ce doux parfum d'Indizara qui trouble André Manoukian et qui doit se réveiller pour sa chronique à 17h29. Exactement, c'est vrai. Quand je suis arrivé, elle émanait un parfum avec un peu de cèdre et des choses. Vous savez que le parfum et l'odorat nous relient le plus à la spiritualité. Et de spiritualité... C'est vrai qu'on n'a pas. Hein. Bah, il est privé d'odorat. Ça explique tout. D'esprit, de spiritualité, il en est question ici puisque... Eh bien, c'est l'esprit inter que je vais chroniquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'esprit inter? C'est Clara Dupont-Monod, je vais faire votre éducation. Il y a longtemps, dans une brocante du sud de la France, je tombais sur un livre au titre étrange. De l'esprit des hommes, des animaux, des végétaux et des minéraux. Bon, que les hommes ou les femmes aient un esprit, ouais, certains ici autour de cette table, et encore. Mais que les animaux en aient un... Plus surprenant, le chihuahua de ma tante Eugénie, il a un esprit. Et les plantes et les pierres. Au début du livre, il y a un schéma. Sur un même plan sont dessinés un homme, un lion, un arbre et un pavé. L'esprit symbolisé par un cercle est dans la tête de l'homme. Mais pour le lion, il plane au-dessus de l'animal et guide le groupe à la manière d'un GPS. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'esprit de l'animal n'est pas incarné. C'est pour ça que dans les religions primitives, souvent il y a des esprits des animaux parce que c'est la première entité spirituelle qu'on voit quand on dégage. Mais là, on va parler de la compile des chansons de France Inter. Parce que ça s'appelle l'esprit inter. Alors, ce livre a été écrit par un certain Rudolf Steiner. Il est dans le droit fil d'un ésotérisme sous influence orientale qui fait fureur à la fin du 19e siècle parce que justement, on découvre en Europe les sagesses mystiques des Védas, des Soufis, des bouddhistes. C'est une époque formidable d'extension coloniale et on ramène autre chose que des MST, un peu spirituels. Mais quoi qu'il en soit, nous voici avec une notion presque palpable de ce qu'est un esprit. Une émanation nourrie par plusieurs individus, regardez autour de cette table, nous, il y a un esprit à cette table, qui se rassemble en une entité, cette entité plane au-dessus du groupe et va le guider. c'est un GPS interactif, c'est un cloud, c'est un coyote. On connaît tout ça aujourd'hui avec l'informatique, mais il y a belle lurette que la nature s'exerce avec les saumons qui remontent tous le cours ensemble, les oiseaux qui volent en escadrille guidés par un esprit, ou les calamars qui partent tous les nuits de pleine lune. Mais alors, c'est quoi l'esprit inter? Ah bah oui, c'est ça, une émanation collective qui vient des désirs de nos auditeurs, désirs décryptés et canalisés par un certain Didier Varro, qui va leur renvoyer leurs désirs en pleine face. Ce qui fait qu'on vous répond quand vous râlez après la progresse, et plus d'une fois, vous avez entendu me dire... Non, c'est pas... On a dit que c'était la merde d'une fois, mais c'est pas et là, une critique. On vous dit, l'auditeur aime, alors plus rien à dire. Voilà. Parce que l'auditeur inter, ça n'est pas du tout venant. C'est pas de la ménagère de moins de 50 ans, ou non, du CSP plus, plus vieux. C'est de l'universitaire, du retraité cultivé, de l'étudiant érudit, j'en ai vu, du baroudeur international qui capte au fond de sa jungle la voix du pays. D'où l'exigence première par rapport à la chanson. Le texte. Mais l'esprit inter avant de souffler sur l'auditeur est bien sûr produit par les gens qui y travaillent. Et le travailleur inter, ça n'est pas du tout venant non plus. Philippe Val, qui m'a embauché sur cette antenne, m'avait prévenu alors que je lui demandais d'enregistrer mes chroniques du fond de ma chambre à coucher. Tu sais, ici, les techniciens sont puissants. Changer la couleur du papier toilette, ça peut provoquer une grève. Et ben voilà, l'esprit inter, c'est ça aussi, la grève. Mais la grève ici, ça n'est pas du tout venant, genre blocage de parking et distribution de tracts. La grève, c'est des concerts de quatuors classiques dans les couloirs de la maison de la radio. C'est des prises de paroles cathartiques dans des auditoriums bondés. Et surtout, tout d'un coup, c'est la playlist qui nous apparaît dans toute sa splendeur. Les titres en continu, non coupés par des chroniqueurs brillants, certes, mais Dieu que c'était bon soudain d'avoir une sorte de radio musicale idéale sur laquelle je suis resté scotché perso des heures lors de mes nombreuses navettes entre Bellegarde et Chamonix, et j'avais envie de chazamer chaque titre en disant « Mais c'est quoi cette chanteuse soul ?» Oh, Assaf Avidan. Et ce crooner Bayou, oh, Radio Elvis. Oh, et cette effrayeuse romance. Romantique. Oh, c'est Luce. Fauve. Et cette voix qui avance comme Luce, un vélo. Vous aviez parlé du texte, André. Qu'est-ce qui se passe? Pièces de récupération, chèque l'eau. Et ce son nonchalant comme un cocktail à la terrasse du Delano de Miami. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est IBI, c'est du Yoruba. Yoruba, ça veut dire esprit. Vous savez quoi? L'esprit inter, c'est France Yoruba. C'est la compilation de la grève, disponible maintenant chez vous, pour faire comme s'il y avait grève à France Inter, chez vous, dans votre salon. Et notre invité est sur cet esprit, est dans l'esprit inter, bien sûr. Indizara, vous pouvez retrouver son titre « Any Story » sur la compile « L'esprit inter numéro 3 ». Si vous voulez vous passer en boucle, faire une journée de grève chez vous dans votre salon, il y a trois compiles l'esprit mais inter. Franchement, Charline, ce double album, on se le passe et tout d'un coup, on découvre encore une fois une sorte de radio musicale idéale. Donc, non, c'est vraiment. Mais c'est une très belle album. Alors, pour faire l'amour, sinon, il faut aller au niveau de. À partir de Célassou. Non, pardon. À partir de. Non, pardon. À partir. Voilà, Ron. À partir de la plage 12 du deuxième, là, ça devient. Évitez Vianney pour faire l'amour. Mais pas vous là, pouvez écouter le titre qu'on a entendu. Bon, cher auditeur, comme toi, tu restes avec moi et que moi aussi, je suis là, madame. Parce qu'ils ne vous écoutent plus. Et en plus, ils vous traitent de gens de plus de 50, de 60 ans. Donc voilà. Non, vous avez écouté IBI, Stranger Lover. Oui, c'est super beau. Beau, voilà. Beau. Il est 17h36 sur France Inter en compagnie d'Indizara. Et Indizara, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice, n'est-ce pas? Ah, Guillaume Meurice, notre enquêteur fou. Aujourd'hui, il était contrarié. Est-ce que c'est à cause de votre reportage? Un petit peu. Ah, je un petit peu, Alex, parce que je me suis rendu ce matin à une conférence organisée par les éleveurs de ruminants. Et où avait lieu cette conférence? À la maison de la RATP, figurez-vous. Et c'est logique, puisqu'on parle d'entasser des bœufs. Amis de la ligne 9, bonjour. La conférence avait pour thème la lutte contre le réchauffement climatique. Et il faut rappeler que selon un rapport de l'ONU, 51% des émissions de gaz à effet de serre sont précisément dues à l'élevage. Donc c'est un peu comme si un congrès de tueurs en série se mobilisait pour la fraternité et l'amour de son prochain. Et ils en sont bien conscients, les éleveurs. On est certes émetteurs, effectivement, notamment le méthane qui est produit naturellement par les vaches lorsqu'elles digèrent l'herbe. Et, mais ce aussi, qu'on appelle les pets de vaches. Alors, c'est pas les pets, justement. On parle souvent des pets, mais en fait, ce sont les rots des vaches. Mais elles sont dégueulasses. Désolé, on n'est pas arrivé encore à leur apprendre à bien se tenir à table. Oui, c'est vrai. Et ça prouve, si besoin était, que Gérard Depardieu est bel et bien plus proche du ruminant que de l'homo sapiens. Et que quand il dit qu'il veut une limousine, ce n'est pas de la voiture dont il parle, mais bien d'une possible partenaire sexuelle. Mais si les vaches ont du mal à se retenir, c'est peut-être aussi qu'on leur fait bouffer n'importe quoi, n'est-ce pas, monsieur le producteur de compléments alimentaires. Savoir associer les bons nutriments pour pouvoir justement avoir le meilleur rendement possible. Mais alors attendez, parce que normalement un ruminant ça mange de l'herbe. Si on faisait consommer les animaux que de l'herbe, on n'aurait pas autant d'efficacité alimentaire. Ça veut dire que vous leur donnez quoi en plus de l'herbe? Mais des aliments concentrés. Voilà, alors là c'est un peu technique, mais c'est une sorte de cocktail de protéines avec dedans des trucs qu'une vache n'aurait jamais eu l'idée de bouffer toute seule. C'est comme quand vous servez un verre de Volvic à Gérard Depardieu, hein, pour reprendre mon exemple. Les aliments concentrés, c'est ce type d'invention qui fait la fierté de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Ce sont eux qui, il y a quelques années, avaient réussi à créer une espèce de poule sans plumes pour faire des économies sur le déplumage, hein, c'est véridique, avant de se rendre compte qu'il était plus coûteux de chauffer les hangars pour ne pas que les poules ne meurent prématurément. Véridique aussi, des génies hein, donc qui font la fierté de notre pays. J'ai d'ailleurs rencontré un chercheur de l'INRA et lui, eh ben, il voulait tout simplement recarboner les sols, ce qui veut dire... De stocker du carbone dans les prairies, dans les pâturages, qui lui permettent d'être résilient. On a beaucoup de sols dégradés et ces sols dégradés, il est possible de les restaurer. En les restaurant, on va accumuler de la matière organique. Dans cette matière organique, on a du carbone. Et on va ainsi piéger à grande échelle du carbone dans le sol. Voilà, très très technique également. En gros, on crée du carbone pour créer des pièges à carbone. L'objectif principal étant, vous l'avez compris, de sauvegarder l'emploi de ce brave monsieur qui sinon n'aurait rien d'autre à foutre un mercredi matin. L'élevage de ruminants pose aussi d'autres questions. Est-ce que les animaux sont bien traités? Demandons à ce professionnel de la filière. Bien sûr. Dès les achats des petits animaux, les éleveurs qui sont partenaires dans nos filières sont sensibilisés au bien-être animal. C'est-à-dire qu'ils ont une belle enfance. Ils ont une enfance heureuse. Une enfance heureuse, bien sûr, qui n'est pas sans rappeler celle de Natacha Campouche, séquestrée dès l'âge de 10 ans dans une cave. Autre rencontre avec un éleveur qui possède 300 brebis et une vingtaine de vaches et toute la suite, voilà. Est-ce que vous aimez vos animaux? Bien sûr, si on les élève, c'est... Si on, pour élever des animaux, il faut bien sûr les aimer. Il faut avoir une relation sympathique avec eux pour pouvoir... Mais vous les emmenez à l'abattoir à la fin quand même? Ben bien sûr, oui. Ah, ça, c'est une relation sympathique avec eux, vous pensez? Non, ça fait partie de la vie. Oui, ça fait partie de la vie d'emmener ceux qu'on aime à l'abattoir et de les regarder se vider de leurs entrailles. J'en parlais encore avec Guy Georges la semaine dernière. Suite de l'explication avec ce même éleveur. Pour les accompagner dignement à l'abattoir, il faut qu'ils soient élevés Très correctement. Vous emmenez vos enfants à l'abattoir aussi? Non, pas du tout. Pourtant, vous les élevez aussi? Non, on les élève pas. Ah bon, alors là, c'est autre chose. Il a un sens de la famille un peu particulier. Et c'est pareil, ne jugeons pas. Hein. J'en parlais la semaine dernière à Xavier Dupont de Ligonnès. Chacun son truc. Poursuivons toujours avec le même éleveur. On émet aussi indirectement par les transports, par plein de choses. Et vous-même, vous rejetez du méthane? Oui. Il paraît. Il paraît, oui. C'est votre épouse qui me l'a dit. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, finit-il par me dire. Alors que non, c'est vrai. Manger une fois avec Manoukian, vous allez voir s'il produit pas de méthane. Hein, on n'a pas encore le rapport de l'ONU, mais à mon avis, ça va faire mal. Je dis Manoukian, j'aurais pu dire Clara ou vous, Charline, hein, tout le monde. D'ailleurs, puisqu'on parle de vous, Charline... Je ne loupe pas, je reviens boire mon café pour ce qu'elle raconte à 8h moins 3. Ça veut dire que vous aimez Charline Van Hoenacker? Oui, bien sûr. Et vous allez l'amener à l'abattoir, alors? Pas du tout, non. J'ai dit que c'était un acte normal de la vie. Et oui, c'est un acte normal de la vie d'aimer Charline Van Hoenacker. Mais ce n'est pas un acte normal d'emmener des êtres vivants à l'abattoir. Alors si toutefois vous oui, aimez... Oui, il est bien ce monsieur. Il est bien, il est très bien. Si vous aimez quand même manger de la viande, mais que vous voulez dans le même temps lutter contre le réchauffement climatique, j'ai une solution, bouffez directement les éleveurs. Merci Guillaume Meurice. Voilà, une Indizara, c'est ce qu'on appelle la comédie d'investigation. C'est du journalisme de niche, hein, je ne vous le conseille pas. En gros, on n'apprend rien et on rit pas beaucoup. Donc, en gros, c'est ça. Indizara est avec nous. Son dernier album s'appelle Homeland et on vous le recommande chaleureusement. Et vous avez entamé une tournée. Vous allez faire pas mal de festivals cet été. Alors déjà, le 20 juin, vous serez à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière et aussi au festival de jazz d'Enghien-les-Bains le 26 juin. Mm-hmm. Et avec vous, on parle aussi d'actualité, parce que vous savez tout faire. Alors, on va passer au deuxième sujet. Jennifer Lopez a fait un twerk au Maroc. C'est pas de la marche. C'est de la danse. Elle agite frénétiquement le fessier de gauche à droite. Alors, pour avoir dansé le twerk... oui, Thierry Hazard. Référence. Voilà, merci, je cherchais. Pour avoir dansé le twerk lors d'un festival à Rabat, J-Lo fait l'objet d'une plainte pour perturbation de l'ordre public et pour avoir terni l'honneur des femmes. Alors, Jennifer Lopez, une réaction? Vous vous trompez sur mon compte. Vous ne savez pas comme c'est dur d'être une femme qui a mon physique. Ah oui? Eh bien, vous ne savez pas comme c'est dur d'être un homme qui regarde une femme qui a une physique. Je suis pas mauvaise. Je suis juste dessinée comme ça. Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit et sa femme, bien sûr. Alors, dans la chanson Indizara, on peut aussi réussir grâce à ses fesses. Mais quand on fait une carrière internationale et qu'on va dans un festival au Maroc, quand on a réussi avec ses fesses, ça mène à la justice. C'est l'affaire de Jennifer Lopez. Vous avez eu vent de cette histoire qui vient de se produire, et notamment le scandale après la diffusion du concert. Ça s'est passé au festival Mawazine sur la télévision publique marocaine. Et J-Lo a des soucis. Oui, j'en ai entendu parler. Ça vous a surpris? Je suis très étonnée parce que peut-être c'est parce que connaissant les hommes marocains, ses fessiers n'étaient pas assez conséquents. C'est une analyse. Parce qu'on connaît les danseuses qui secouent leurs popotins au Maroc musique traditionnelle. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est de la police. C'est peut-être du protectionnisme, pour pas qu'elle vienne piquer le boulot. Exactement. Et que la marchandise n'est pas à la hauteur du public marocain. Mais c'est intéressant cette lecture d'Indizara. Alors, à ce moment-là, il y a aussi un autre scandale, tiens. C'est le film Much Love du réalisateur marocain Nabil Ayouch, qui a été présenté à Cannes, mais interdit de diffusion au Maroc. Un film sur la problématique des prostituées au Maroc. Et ça a produit l'effet inverse, comme à chaque fois quand c'est interdit, le DVD se passe sous le manteau. Et il a le mérite de conscientiser sur une problématique. Alors qu'en France, il y a un autre film qui fait l'objet en ce moment d'une forme de censure, parce qu'il y a des salles qui refusent de le diffuser. C'est un Français sur le repentir d'un skin. Donc finalement, Maroc-France, à peu près même combat. C'est fou, ça. Oui, mais je pense qu'il passe sous le manteau pour les scènes. Non, je vous assure. C'est pas parce que voilà, il y a la problématique, la polémique, etc. C'est parce que c'est sulfureux. Non, parce que les Marocains savent qu'il y a de la prostitution au Maroc, comme en France, on sait qu'il y a de la prostitution au Maroc, et que le fait de faire un film, est-ce que ça change le statut des prostituées en France? Je ne crois pas. Et est-ce que ça pourrait changer le statut des prostituées au Maroc? Je ne crois pas non plus. Ça, c'est vraiment. Je pense que c'est une. Ce qui a choqué au niveau du Maroc, c'est les scènes. dites pornographiques qui sont dans le film qui choquent, parce que Nabil Ayouch a fait d'autres films qui parlent notamment des viols des enfants au Maroc, etc. Et il n'y avait pas de scène comme ça, et il passait au Maroc. Ah, hein. Voilà. Et ce film-là avec les prostituées, je pense que c'est vraiment la question des scènes pornographiques, parce que le film, je crois c'est Les Chevaux, c'est le film juste avant le précédent de Nabil Ayouch. D'une violence, enfin, qui parle de ce qui se passe au Maroc avec une véracité cruelle sur l'islamisme. Et il est passé au Maroc et dans les cinémas au Maroc. Indy Zara est avec nous et elle nous ouvre la fenêtre sur le Maroc notamment. Et Clara Dupont-Mono nous ouvre une fenêtre vers la littérature à 17h46 sur France Inter comme chaque jour. Mais oui, Charline, parce qu'aujourd'hui, la littérature s'est maquillée. Elle a mis des talons hauts, elle a mis des bijoux parce qu'aujourd'hui, elle a un anniversaire à fêter. Le 10 juin 1949 paraissait un chef-d'œuvre en littérature, peut-être que vous l'avez lu, Indy, qui est 1984 de George Orwell. George Orwell, c'est un vrai bonhomme. Pardon Alex, hein. Non. Mais c'est un vrai bonhomme. Pourquoi ? Parce que il est toujours resté fidèle à ses convictions. Il est né anglais dans un milieu bourgeois et pourtant il va dégringoler et il va se retrouver clochard. Et de cette expérience des caniveaux, il écrira un livre autobiographique qui n'est pas très connu de lui, qui est paru en 1933 et qui s'appelle Dans la Dèche à Paris et à Londres. Et c'est une plongée dans la misère avec des pages magnifiques sur la faim. Il dit que la faim donne l'impression qu'on a remplacé le sang du corps par de l'eau tiède. Il y a des scènes extraordinaires comme ça où il regarde les cafards qui grimpent le long du plafond de sa chambre d'hôtel miteuse et ça symbolise la faim. Ces sensations, elles vont forger ses convictions sociales et ce, bien avant le Front Populaire, hein, bien avant 36. Et puis ensuite, Orwell, il a des convictions politiques et il va tout le temps mettre ses paroles en accord avec ses actes. En 1936, il s'engage aux côtés des républicains espagnols. En 39-45, il s'engage aux côtés des résistants, et à partir de là, c'est décidé, il écrira contre les totalitarismes. Et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée de 1984. Il s'y met en 1948. Et la légende veut que le titre 1984 soit l'inversion des deux derniers chiffres de 1948. Et ça parle de nous, ça parle de 2015. Et oui, forcément, il y a un moment, quand on lit les grands précurseurs des années après leur mort, ils étaient tellement en avance qu'on a l'impression qu'on lit un instantané de notre époque. Hein. C'est complètement logique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans 1984 ? Il y a un pays dirigé par Big Brother, qui est une instance qui surveille tout, qui traque, filme, écoute, archive tout, évidemment, pour le bien commun, au nom du progrès. Ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Je dis ça, je dis rien, hein, j'ai fait que reprendre les sons. Alors, Big Brother a un ennemi qui s'appelle... J'ai les mêmes méthodes, Clara. Mais là, pour le coup, ça... Pardon, mais ça colle. Mais Big Brother a un ennemi, et cet ennemi, c'est le langage. Parce que, évidemment, qui possède les mots et leurs mille nuances possède le pouvoir. Donc, c'est à exterminer d'urgence. Et il y a un tout petit passage qui est extraordinaire dans 1984, où un serviteur très zélé dit « C'est une belle chose, la destruction des mots. Prenez « bon », par exemple. Quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un bon fera tout aussi bien. Et si l'on désire un mot plus fort que bon, quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellent » ou « splendide » ? Plus bon englobe le sens de tous ces mots. Et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Vous voyez, c'est l'appauvrissement de la pensée. Alors, cette nouvelle façon de parler s'appelle le novlang dans le livre. C'est quelque chose que les piscines de 2015 connaissent bien, puisque les programmes scolaires les appellent milieu aquatique profond. Quant à nager, je vous rappelle que c'est devenu en 2015 traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. Oui, bah oui. Rappelez-vous, notre novlang, elle ajoute des mots, elle en élimine pas. Mais enfin, quand même, ça reste incompréhensible et ça s'appelle une novlang. Comme le bic est un outil scripteur. Ah bah voilà, voilà. Exactement, exactement. Et courir, c'était prendre de la vitesse ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, le monde de 1984, il est saturé d'interdits. Interdiction de nouer des liens, interdiction d'aimer ses enfants, de copuler par plaisir. Et bien sûr, d'aller voir des prostituées. Nous considérons que le client était l'un des rares acteurs du système prostitutionnel à n'être aucunement appréhendé jusqu'à présent, d'aucune façon. Voilà, je dis ça, je dis rien, j'ai fait que reprendre les sons à la Meurice. Alors, il y a une ça, chose... il l'aurait pas fait parce que c'est contre ses convictions. Oui, c'est vrai. Il est des malhonnêtetés, je trouve ça scandaleux, votre procès. C'est ça, parce que le vôtre est parfaitement exemple hein, de tout reproche. Alors, il y a une chose très perverse que Big Brother impose aux dirigeants, c'est le système de double pensée. C'est quoi le système de double pensée? Eh bien, je cite, « Un intellectuel du parti sait qu'il joue avec la réalité, mais par l'exercice de la double pensée, il se persuade que la réalité n'est pas violée. » Concrètement, ça veut dire dire des mensonges délibérés, tout en y croyant sincèrement. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Voilà, je dis ça, je dis rien, je n'ai fait que reprendre des sons, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin de 84. Alors pour finir, juste rappeler que le personnage principal de 1984, Winston, il supporte pas Big Brother. Et il trouve un coin dans son salon qui n'est pas filmé en permanence, hein, parce que sinon ils sont filmés tout le temps. Il s'installe en tremblant, et qu'est-ce qu'il déballe? Il déballe un cahier et une plume. Un tremblement lui parcourait les entrailles, écrit Orwell, faire un trait sur le papier était un acte décisif. Et Winston a à moitié mort de peur, entame son journal intime. Et c'est donc l'acte d'écrire qui est l'acte premier de résistance. Voilà. Pour savoir ce qu'il écrit dans son journal, il ne vous reste plus qu'à lire 1984 de George Orwell. C'est paru en folio. Merci Clara Dupont-Mono pour cet instant littérature, avant de repasser à la musique avec Jean-Louis Murat et le Delano Orchestra dans les oreilles, mais aussi avec Indy Zara qui est notre invitée jusqu'à 18h. Rapide qui vous conduit en quelques heures au Sancy. Ouais, cool, super. Tous les bagages pris à l'heure, avons bien dit au revoir à Ben Ali. Jean-Louis Murat et de Delano Orchestra sur France Inter. Et nous, nous sommes en compagnie d'Indy Zara. Son album s'appelle Homeland et on vous le conseille chaleureusement. On l'a mis dans nos oreilles depuis ce matin et c'est un vrai bonheur. Vous serez le 20 juin à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière au Festival Jazz d'Enghien-les-Bains le 26 juin. Et tiens aussi au Festival Day Off le 3 juillet à la Philharmonie de Paris. Qu'est-ce que c'est chic. Et c'est chic d'avoir Indy Zara avec nous aujourd'hui. Troisième sujet d'actualité. Et son titre, Any Story, est dans la compile L'Esprit Inter 03, le son de France Inter. Vous avez des pourcentages sur le disque ou... Je vous parle non, de alors on peut réécouter votre chronique sur l'esprit, bien sûr, sur franceinter.fr. L'avantage, c'est qu'on peut l'écouter en accéléré. Troisième sujet d'actualité que nous allons approfondir dans cette émission, approfondir dans le sens de toucher le fond, bien sûr, comme à chaque fois. Le ministère de l'Éducation encourage les écoles à faire la fête, car les kermesses de fin d'année sont mises en péril par le plan Vigipirate. Oh. Il ne reste plus que les doublures des courgettes et les collerettes des radis. Oh non, non, encore tout ça. Oh non, non. Oh là là, mais moi je n'en peux plus, là, je suis au bout du rouleau. Oui, hé, oh, Fabienne, arrête de te plaindre, hein. Arrête de te plaindre? Oui. Mais on voit que c'est pas toi qui as 35 costumes de légumes à faire en une semaine. Parce que toutes les mères qui lèvent le doigt devant la directrice pour dire oui, oui, oui, je sais coudre. Et au final, qui se tape tout le boulot, c'est Bibi. Alors, mollo. Caca boudin. Mollo? Oui, hé, oh, Lucas. Fabienne, faut pas le laisser parler comme ça, hein. Puis dis donc, c'est quand même toi qui as eu l'idée brillante de transformer tous les enfants en légumes. Valérie Bonneton, Guillaume de Tokedec dans Fais pas ci, fais pas ça. Alors c'est un article du Figaro aujourd'hui où une directrice d'école maternelle explique ne pas avoir les moyens humains de fouiller les sacs des parents à l'entrée de la kermesse la fin d'année. Et, du coup on prive les gamins de fêtes de fin d'année, c'est le plan Vigipirate. Alors Indizara, est-ce qu'on ne devient pas un petit peu parano en France avec cette histoire de Vigipirate, parce qu'au point d'interdire, enfin de ne pas faire la fête de fin d'année pour les gamins parce qu'on peut pas fouiller les parents qui entrent dans l'école, c'est quand même dingue. C'est une question difficile. Après, je sais pas. C'est un peu dur. Hein. Alors, j'ai une autre question parce que accrochez-vous à votre slip. Je vous préviens. Parce que je me suis rendu compte que cette année, le Ramadan démarre. Alors, pendant les kermesses, ça va déjà être. Morano va nous faire des boulettes dans le couscous. Et en plus, le Ramadan démarre le premier jour du bac. Alors ça, en France, ça va être. Ça vous fait rire déjà. Vous attendez déjà au truc. Non, mais je pense aux étudiants qui veulent le faire et qui vont le faire, peut-être, ça c'est difficile. Je conseille, comme on fait au Maroc, c'est de se préparer un peu en faisant un jour par semaine avant. Mais c'est vrai, il y a des gens qui se préparent. Et en même temps, vous l'avez fait sur votre album et vous dites que c'est génial parce que ça, on a l'impression qu'on se purifie les cellules. Moi, je devrais en faire de temps en temps du Ramadan. Mais on le fait en Californie quand ils appellent ça detox. Exact. Mais par contre, je ne sais pas si je dois donner mon avis. Si vous êtes un peu là pour ça. Mais sur le degré de paranoïa en France là-dessus, sur le Vigipirate, moi ça me change pas, comme je suis beaucoup dans les aéroports, ça me change pas d'une certaine période où il y a eu l'un des premiers plans Vigipirate, où on voyait des militaires partout, ça me change pas. Vous ne sentez pas la différence? C'est vrai que la France est sous Vigipirate depuis des années et des années, j'ai pas la date en tête. On parle de Vigipirate ou du Ramadan? J'ai rien compris à ce sujet moi. C'est l'accumulation des événements. Oui. Voilà, on est passé. Alors, je voudrais expliquer. Oui, je suis un petit peu. Voilà, vous avez suivi? Oui. Rappelons quand même, pour ceux qui ont faim pendant le Ramadan, rappelons-leur quand même que Dieu n'existe absolument pas. Il simplifie quand même considérablement la chose. C'est une belle conclusion pour cette émission. Nous avons passé en compagnie d'Indizara. Votre album, c'est Homeland. Il est tout frais. Il vient de sortir en avril dernier. Et vous entamez donc votre tournée. Tiens, vous serez le 10 juillet au Nice Jazz Festival. Parce que vous êtes à la fois pop, jazz, mystique, cosmique, comme le dit André Manoukian. Et vous serez le 20 juin à Lyon dans le cadre des Nuits de Fourvière. Festival de magie. Un duo avec Garcimore. Puisque André Manoukian dit de Indizara qu'elle fait aussi de la magie. Merci vraiment Indizara d'être restée avec nous. Merci de m'avoir On était ravis d'avoir votre regard sur l'actualité, dont la lecture était fort passionnante, en plus de votre très jolie musique. Et on laisse donc les Simpsons, le mot de la fin adressé à Manuel Valls. Un jet privé. Je suis tout excité.